Mosaïque. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui, c'est pour parler, au cours des quelques minutes qui vont suivre, des changements climatiques et agriculture au Burundi. La saison culturelle a commencé, semble-t-il, mais ça et là, les cultivateurs se lamentent. Certains ont planté, mais sans succès, car leurs semences sont restées sous terre. Au nord du pays, en province de Kirundo notamment, des habitants préfèrent fuir la famine faisant ce que bon lui semble dans la région. Comment se porte le climat aujourd'hui? Est-il tranquillisant, favorable à l'agriculture? Les cultivateurs vont-ils réellement récolter comme ils l'attendaient? Comment devraient se comporter les agriculteurs de certains coins du pays qui fuient la famine au moment des plantations pour la saison culturelle? Et d'autres questions encore. Pour tenter des réponses, trois invités sont avec nous sur le plateau. Salvatore Sindayebura, c'est le directeur général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Richard Havzalimana, il est le secrétaire exécutif ad intérim au sein du Forum des organisations des producteurs agricoles du Burundi, FOPABU, Ijwiyabarimyi. Bonjour Richard. Bonjour. Il y a également professeur Tarsis Ndayizeye, enseignant d'université. Bonjour et bienvenue professeur. Bonjour. La mise en onde est assurée par Eric Wimana et Variste Nzikobanyanga est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léon Sebitario. Encore une fois bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque. La première question, je l'adresse à vous. Salvatore Sindayebura, vous êtes le directeur général de l'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. La pluie tombe fin septembre, début octobre. Les habitants sont appelés à planter, vous le savez, et bonjour le soleil pendant un beau bout de temps. C'est quoi le phénomène, monsieur le directeur général? Merci de la question. C'est vrai, comme tout le monde le voit au Burundi, comme ailleurs, parce que c'est dans le monde entier, comme on l'entend, c'est qu'il y a un problème de changement climatique. Et il y a un problème de changement climatique dans le monde entier. C'est un phénomène que tout le monde suit régulièrement. Et si j'observe dans notre pays, c'est vrai, avec les agriculteurs devraient commencer le semis avec le mois de septembre, mais ils ont attendu, ils ont commencé à semer avec le mois d'octobre parce que la pluie a tombé un peu tardivement. Mm-hmm. Comme vous l'avez suivi, c'est le phénomène, comme on l'a dit au niveau de l'Ijebu, c'est le phénomène La Nina. Mais nous espérons quand même que la pluie va tomber et nous espérons que les agriculteurs vont récolter. On ne peut vraiment avoir peur. Ils vont récolter, mais il y en a parmi ces agriculteurs dont les semences sont restées sous terre. Ça aussi, c'est un problème. Effectivement, dans certains coins, les agriculteurs ont semé, mais la semence reste encore sous terre, comme vous le dites. Mais nous espérons que, si on regarde l'atmosphère, on voit qu'il y a des signes que la pluie peut tomber d'un moment à l'autre. D'ailleurs, si on essaie de suivre dans certains coins, on voit que la pluie essaie de tomber. Et vous avez remarqué que la pluie a tombé le soir, alors que tout au long de la journée, c'était vraiment un soleil accablant. Pour dire que on espérait que la pluie va tomber, mais ailleurs. Richard Havzalimana, au sein du FOPABU, dont vous assurez le secrétariat exécutif ad intérim, Forum des organisations des producteurs agricoles, est-ce que les changements climatiques observés en ces jours sont tranquillisants pour les agriculteurs? Merci de la question. Et je pense que le phénomène actuel des changements climatiques n'est pas vraiment tranquillisant au niveau des producteurs et des agricoles. Cela étant, si on est appelé à cultiver, à semer, tout en attendant qu'on va récolter comme à l'accoutumée, et du coup, voilà, il y a des perturbations, surtout saisonnières, c'est-à-dire qu'il y a quand même un dérèglement. Ça gêne un peu le producteur, parce qu'il n'est pas à la hauteur de maîtriser ce phénomène. Ce sont des phénomènes qui arrivent comme ça, sans toutefois qu'il y ait des prévisions chez lui. Alors, cela étant, comme vous le savez bien, au Burundi, les producteurs sont actuellement ont des revenus assez faibles. Même pour semer, il faut chercher les semences. Et parfois, il n'en a pas. Il fait recours au marché. Il n'a pas de sous suffisants pour s'en procurer. Et voilà, il sème. Et voilà, ça reste sous terre. Ou bien, il y a aussi d'autres phénomènes pour détruire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment tranquillisant. C'est-à-dire que actuellement, le producteur est là, il attend. Il attend ce qui va lui arriver sans toutefois maîtriser, sans toutefois avoir des précautions ou des mécanismes pour faire face à ça. Et j'espère que les concernés, les acteurs, surtout les décideurs, vont analyser comment essayer de faire face à ça ou comment vivre avec ce phénomène pour que le producteur, étant donné que le producteur actuellement, c'est lui qui assure un peu le revenu, parce que si vous savez bien, le secteur agricole actuellement, c'est le secteur qui donne beaucoup de revenus au pays. C'est-à-dire que plus de 90%, comme on dit dans les études, ce sont des producteurs. Le pays vit de l'agriculture. Alors, si jamais il y a cette perturbation, comment alors on va faire face aux conséquences qui pourraient... On ne vise pas les conséquences. Plutôt, on veut qu'il y ait quand même une régression au niveau de la maîtrise de ce système pour qu'il y ait quand même un léger mieux. Parce que sinon, si ça continue, ça pourrait peut-être perturber toute la production ou bien tout le système agricole et les Burundais en général. De toutes les manières, les Burundais étaient habitués à ce qu'ils plantent, ils cultivent pour la saison culturelle A en septembre, vers début octobre, pour récolter en décembre, janvier, afin de cultiver pour la saison culturelle suivante, c'est-à-dire B. Est-ce que c'est tranquillisant pour les agriculteurs? Je viens de le dire que ce n'est pas vraiment totalement tranquillisant. Mais nous sommes appelés à les tranquilliser parce que c'est notre rôle, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de nos organisations. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est qu'avec les études déjà réalisées, c'est que les changements climatiques actuellement, c'est une réalité. La perturbation saisonnière est une réalité aussi. Alors, face à tout ça, je crois qu'on peut toujours espérer, avec les prévisions météo qu'on nous a déjà communiquées, pour voir si jamais on pourra cultiver les deux saisons, saison A et B. On reste optimiste, tout en sachant qu'on espère qu'il y aurait des communications au sein du ministère pour nous dire aux producteurs ce qu'on peut faire, parce qu'on doit aussi combiner tout ça. Parce que le petit producteur n'est pas capable de maîtriser. Mais si jamais il y a des informations, des communications, des conseils sur les mécanismes qu'on peut adopter pour jongler et essayer de cultiver les deux saisons, je crois que les responsables vont nous aider à y réfléchir, à mettre en place d'autres mécanismes ou des alternatives pour que quand même il n'y ait pas assez de dégâts par rapport à ce qui est déjà prévisible. Rendons-nous à l'expert, professeur Tarsis Ndayizeye. Les changements climatiques que l'on observe en ces temps semblent en tout cas inhabituels. Les cultivateurs sont perturbés, comme il vient de le dire Richard. Il parle de perturbations saisonnières, changements climatiques. Qu'est-ce qui serait à l'origine de ces situations que l'on observe en ces temps? Merci. D'abord, je vais commencer à faire le distinguo entre le changement climatique qu'on est en train de parler ici, avec la variabilité climatique. Le changement climatique s'opère à une échelle, à une période qui va jusqu'à 30 ans. Alors que la variabilité climatique s'opère spontanément et des fois, on voit les conséquences, mais le phénomène peut ne pas revenir. Si par exemple, on voit que la situation est là, ne va pas changer, on va parler que c'est changement climatique. Parce que c'est une résultante de beaucoup de facteurs qui n'incombent même pas au Burundi. Donc, les Burundais, nous devrons nous adapter si c'est un changement climatique. Donc, si c'est un changement climatique, on ne va pas faire quelque chose pour faire reculer le phénomène qui est... De toute façon, il faut savoir les moments et s'habituer. Oui. Donc, ici, il faut donc qu'on agisse par principe de triangulation, savoir que par exemple le gouvernement est au courant qu'il y a quelque chose qui change, que par exemple le producteur soit au courant qu'il y a quelque chose qui change, que les organisations des producteurs soient au courant qu'il y a quelque chose qui change, même les partenaires techniques et financiers, pour qu'ils se concentrent sur la récolte des données scientifiques fiables, météorologiques, pour savoir orienter le producteur. Donc, pour que le producteur soit au courant que la pluie va venir en décembre, si on est sûr que la pluie va venir en décembre, par exemple, on peut prendre des dispositions qui vont dans le sens à protéger l'agriculture. L'agriculture et l'agriculteur. L'agriculteur, pour ne pas d'abord semer en septembre, pour planter en décembre. Vous avez entendu que, donc, par exemple... conserver d'abord les semences. Conserver les semences. Parce que si tu plantes... Donc, ne pas gaspiller. Donc, je pense que vous avez entendu, par exemple, le mois de juillet, le Conseil des ministres a pris une décision de ne pas vendre les récoltes, la production, l'exploitation. C'est une mesure qui a été saisie et exploitée d'une manière ou d'une autre. Mais c'était dans cette logique parce qu'on avait entendu que la précipitation va venir plus tard et que donc il était question, comme la fonction régalienne de l'État, de prendre des mesures pour pouvoir essayer de contraindre ou bien d'obliger le producteur de ne pas prendre toute la récolte au marché. Donc, il y a des mesures qui doivent être faites, mais si on est guidé par des données fiables, scientifiques, météorologiques, et voir quelles sont l'attitude à prendre, quels sont les comportements qu'on doit sensibiliser. Avec en harmonie de langage, avec donc un même message pour ne pas donc désorienter le producteur. Est-ce que, monsieur le directeur général, est-ce que les gens, les cultivateurs, les habitants sont sensibilisés sur ces changements climatiques ou perturbations saisonnières? C'est vrai. Nos agriculteurs, ou bien la population en général, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas sensibilisée. Parce que nous avons des techniciens sur terrain dans tout le pays, jusqu'à la colline. Chaque fois, on les informe, d'ailleurs, eux-mêmes, ils suivent de près ce qui est dit à la radio au niveau de l'Igebou, que la pluie va tomber un peu tardivement et qu'il faut se préparer en conséquence. Que ce soit lorsque la population récolte, toujours au niveau du ministère, c'est le langage qui est couramment transmis, c'est le message qui est couramment transmis, qu'après la récolte, il ne faut pas vous précipiter à vendre toutes les récoltes. Parce que les changements climatiques, la pluie peut tomber tardivement. C'est pourquoi il faut prendre toutes ces précautions. Ce message de changement climatique est toujours transmis à la population, à nos techniciens. Ils sont informés. Le reste, c'est de mettre en application les recommandations ou bien les conseils qui leur sont prodigués tous les jours. Je veux vous dire vraiment qu'en général, à commencer d'abord par nos techniciens, ils sont vraiment sensibilisés sur les changements climatiques. Et le message, ils le transmettent au fur et à mesure à la population. Je sais que la population, tout le monde ne s'imprègne pas de la même manière l'information, mais il y a déjà qui sont déjà sensibilisés. La preuve, c'est que lorsqu'ils s'aiment, la plupart s'aiment ou bien plantent des cultures qui résistent au déficit hydrique surtout, notamment le manioc, la patate douce, les colocases. C'est qu'ils savent, que la pluie peut venir tardivement, c'est pourquoi ils installent ces cultures, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sensibilisés. Les autres, ils sont déjà imprégnés des kitchen gardens qu'ils installent chez eux tout près de l'enclos, ou bien même à l'intérieur de l'enclos, parce que si la pluie ne vient pas, ils utilisent l'eau qu'ils ont chez eux et ils essaient d'arroser ces petits champs et entre-temps, ils peuvent les utiliser, ils peuvent les récolter et avoir de quoi consommer sans problème. Autre chose, je vais vous dire que dans notre pays, à gauche, à droite, lorsque les projets exécutent leurs programmes, vous avez remarqué que partout, on aménage à marée. On demande aussi qu'on construise des hangars de stockage pour que la population puisse conserver la récolte au lieu de la vendre précocement. Et nous avons remarqué que dans la plupart des provinces, ce qui nous montre que la population est sensibilisée, c'est que la plupart conservent la récolte dans ces hangars de stockage qui ne sont même pas installés tout près de leur famille, mais qui sont même installés plus loin, mais ils essaient de se déplacer pour aller conserver. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sensibilisés des changements climatiques. Mais dans l'entretemps, il y a le message qui a été lancé par les autorités, c'était au mois d'octobre, probablement au mois d'octobre, appelant les populations à semer pour la saison culturelle. Ah, est-ce que ça a été une réussite? Parce qu'il y en a dont les semences sont restées sous terre. Bon, effectivement, nous avons demandé à la population, le message a été transmis à la population qu'il faut et qu'ils observaient la pluie tomber, qu'ils font commencer la leucémie. Et ils l'ont fait avec le mois d'octobre. Mais bien sûr, on leur demande de décaler, de ne pas, et comme on le dit, qu'il ne faut pas semer dans tous les champs en même temps. Et si on sème, par exemple, pour cette semaine, dans quelques parcelles, il faut peut-être semer pour les autres parcelles. Il faut attendre quelques jours. Et évidemment, en tenant compte de ce changement climatique. Parce que si on se précipite à semer rapidement tous les champs, si le soleil revient, c'est-à-dire qu'au risque de ne pas récolter pour tous les champs qui ont été installés. Mais si on essaie de décaler, comme on le dit, en Kirundi, on dit « isuka imwe zibiri canke zitatu » pour montrer à la population qu'il peut y avoir des changements. Si un champ échoue, on peut récolter dans l'autre. Si on échoue dans ce champ, on peut récolter dans l'autre champ. Et c'est pourquoi notre population pense que ceux qui ont respecté ça, ils n'ont pas eu ce problème. Dans certains champs, les semences sont restées sous terre. Ailleurs, ceux qui ont effectivement respecté leur recommandation, ils attendent que la pluie revienne pour qu'ils puissent semer dans les autres champs. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas effectivement dans tout le pays. Je vais vous dire que hier j'étais à l'intérieur du pays. J'ai essayé d'analyser les champs de maïs et même de haricots. Il y a des champs qui sont vraiment en bon état où il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il faut chaque fois tranquilliser la population. Et même pour le maïs qui manifeste des signes qu'il peut se sécher d'un moment à l'autre, je voudrais vous dire que le maïs résiste un peu. S'il a déjà germé, il résiste. Si la pluie revient, on a remarqué que il pousse rapidement et il donne mieux. Mm-hmm. Je pense qu'on peut toujours tranquilliser la population. Oui, et tant que vous avez la parole, le micro, je voudrais vous poser une petite question que je pourrais même poser à d'autres ici. Est-ce que la saison culturelle A, au regard du phénomène que nous observons aujourd'hui, est-ce que la saison culturelle A ne pourra pas perturber d'une certaine manière la saison culturelle suivante, c'est-à-dire B? Bon, là vraiment, on ne passe, je me dis que les perturbations qu'on observe sur la saison A, sûrement qu'elles pourront avoir des conséquences sur la saison culturelle B. Parce que nos agriculteurs, nous savons que lorsqu'ils sèment avec la saison A, ils se préparent pour récolter avec le mois de décembre et janvier. Mmh. Et certains prélèvent ce que je peux appeler la semence sur la récolte issue de la saison A. Pour dire que et non seulement ça, il y a un autre problème. Si on sème un peu tardivement avec la saison A, c'est-à-dire qu'on va récolter aussi un peu tardivement vers le mois de février-mars. Et notamment, par exemple, si on veut installer encore une fois sur ce champ, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le temps d'installer. Si on installe les cultures au mois de mars, on sera déjà tout proche de la saison sèche qui commence c'est avec ça. Le mois de mai, le mois de juin. Mm-hmm. En résumé, pour vous dire que vraiment, les perturbations au niveau de la saison A, sûrement qu'ils peuvent avoir des conséquences sur la saison culturelle. Même inquiétude au sein de Fopabou, monsieur Richard Havzalimana. Oui, effectivement, chaque saison appelle l'autre. Oui. On ne peut pas donc se précipiter à entrer dans la saison suivante, alors que les conditions sine qua non sont données par la saison précédente. Ça c'est normal parce que la saison B sera conditionnée par les résultats et la période qu'a pris la saison A. C'est-à-dire que on n'a pas de choix, on va s'y adapter parce que l'important c'est pas les mois. Mais c'est l'important, c'est que quand même il y ait des récoltes au cours d'une saison. Il y a autre chose, les phénomènes de changement climatique ou variabilité climatique, comme on le dit actuellement, parce qu'au niveau de l'agriculture, on aime dire la variabilité climatique, mm-hmm. parce que le changement climatique a toujours existé depuis longtemps. Le climat a toujours changé. Mm-hmm. C'est peut-être l'ampleur de ce changement qu'on a actuellement par rapport aux années passées. Les Burundais, la population, savaient qu'ils tenaient compte de ces changements climatiques. Mais la variabilité qu'on a actuellement, c'est qu'il y a quand même une certaine... l'ampleur est grande par rapport aux périodes antérieures. Mmh. C'est-à-dire que On n'a pas de choix, on doit s'y adapter. Seulement, il faut que la culture climatique, la culture de variabilité climatique soit déjà intégrée dans nos habitudes. Parce qu'au Burundi, le changement climatique, c'est récent. C'est récent au Burundi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire face à ces changements. Mais actuellement, quand même, comme c'est un phénomène mondial et le Burundi ne peut pas faire la différence, il faut que cette culture de variabilité climatique soit intégrée dans nos habitudes pour que si jamais il y a des infos météo, des prévisions météo, surtout sur les prévisions saisonnières, soient livrées un peu avant la saison pour que ça soit aussi directement sensibilisé jusqu'au niveau de la base, pour que le petit paysan là soit informé de ses prévisions saisonnières, afin de prendre des précautions pour le labour, la semis. C'est-à-dire que si jamais il y a un système d'information au niveau des données jusqu'à la base, c'est-à-dire que tout ça pourrait être donc imprégné dans les habitudes de nos producteurs. Est-ce que ces prévisions météo dont vous parlez sont réellement transmises au sein des habitants, cultivateurs ? Je ne dirais pas que c'est totalement. Quand même, il y a un niveau, les services habilités donnent des messages. Et ça passe au niveau des radios, au niveau de la télévision. Mais il peut y avoir qu'il y a une négligence de la population parce que le constat, c'est que si on dit qu'il ne faut pas semer, voilà, il constate une petite précipitation et directement il sème. Alors qu'il y avait des informations. C'est-à-dire que la culture, cela montrait que la culture des changements climatiques et des variabilités n'est pas vraiment captée totalement, n'est pas dans nos habitudes. Alors, il peut y avoir qu'il y a un ménage qui n'a pas de poste de radio, qui n'a pas saisi cette information. Encore moins la télévision. Encore moins la télévision, parce que si, avec les chiffres que vous disposez, c'est-à-dire qu'il y a un peu de nombre qui accède à la télévision. Actuellement, les prévisions qu'on donne, c'est avec des chiffres, c'est au niveau de la télévision. Mais si jamais, au niveau de la radio aussi, on pourrait le faire, par exemple, avant le journal ou après le journal. Mais avec aussi d'autres systèmes, mais pas seulement au niveau de la radio, les systèmes de faire véhiculer l'information. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais quand même, avec les services techniques du ministère, on peut y songer, si pas déjà, comment faire arriver le message à même au ménage qui n'a pas son poste de radio. Il y a des canaux. Il y a beaucoup de canaux. Peut-être qu'on y arrivera. Et je pose la même question au professeur Daïezeye. Qu'est-ce que vous dites de ce fait qu'il y a risque que la saison culturelle A perturbe B? Mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Je vais ajouter pas mal parce qu'il y a beaucoup de raisons que la perturbation de la saison culturelle a des répercussions. D'abord, vous savez que actuellement, la superficie qui est cultivée par le ménage tourne autour de 0,5 hectare. Donc, il n'y a pas mise en jachère. Il faut qu'une culture quitte le terrain pour que l'autre vienne. Ça, c'est d'abord une première raison. Ils vont attendre jusqu'à la culture qui devrait être récoltée en décembre, attendre au mois de février ou mars. Donc, la répercussion en termes de temps est visible. Et puis, la compétition au niveau espace est déjà là. Alors que la récolte, c'est la source de fonds pour le producteur. Il va manquer les moyens financiers pour pouvoir donc financer la saison culturelle qui va suivre. Donc, il va manquer les intrants agricoles, les semences, les engrais chimiques. Tout le monde est au courant qu'il y a un programme de subvention d'engrais où le producteur est obligé de payer d'ailleurs anticipativement et risque de manquer l'argent pour payer ça, pour s'acheter des semences. Donc les répercussions sont là. On doit voir comment on doit se comporter pour pouvoir redresser ce qui est redressable. Je vais revenir sur les données météo. Ils sont revenus à m'entreprendre sur les données météo. Vous dites que par exemple les données météo qui sont diffusées à la RTNB, que ces données soient essayer de voir comment ces données soient transmises jusqu'au niveau producteur. Moi, je me pose la question, est-ce que ces données météo vont servir à quoi au niveau du producteur? Si ce sont des données météo qui disent demain, il y aura du soleil, demain, il y aura de la précipitation. Ce que l'agriculteur a besoin, il a besoin de prévisions météorologiques fiables d'abord et qui vont à dire la saison culturelle va commencer à telle date. Pas les données de demain. Les données de demain, c'est pour pour des passagers qui risquent de prendre. Donc, vous allez prendre des parapluies. Demain, il y aura beaucoup de soleil, il y aura donc beaucoup de précipitations. Il faut faire ceci. Mais pour l'agriculteur, il a besoin des informations sur une échelle de temps pour pouvoir prendre des décisions, dire qu'il va cultiver, qu'il va donc s'approvisionner en intrants agricoles à temps pour pouvoir ne pas rater. Parce que, vous savez, le directeur général de l'agriculture l'a dit, il y a des critères qui, une fois, confrontés à un stress, soit hydrique ou autre, ces critères sont c'est foutus. Donc, le rendement diminue sensiblement. Donc, il faut des informations fiables à une échelle grande pour pouvoir permettre aux producteurs de prendre une décision qui va dans le sens de s'adapter pour pouvoir récolter. Il a dit qu'il y a des gens qui transmettent l'information au niveau de la main à l'aval. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ces gens qui transmettent le message, ils ont quel message? Parce que... Ou bien n'ont pas le même message. S'ils ont le même message, est-ce que c'est un bon message? Est-ce que ces données sont fiables? Parce que je vois des fois, on nous dit que demain il y aura le soleil, et des fois on voit le contraire. Ce sont des prévisions, oui, on sait qu'il y a des marges d'erreur, mais des fois, c'est d'abord sur un temps court, mais des fois, même ce message ne contient pas des données fiables sur lesquelles on peut donner crédit, on peut donner foi. Monsieur le directeur général, il parle de transmission du message, des prévisions météo. Est-ce que ceux qui donnent le message, ils donnent le même message? Est-ce que c'est le vrai message, comme la question est posée? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le directeur général? Merci beaucoup. C'est vrai, il y a un message qui est transmis aux agriculteurs, à la population. Le message est avec l'information météorologique. Le message qui est transmis, c'est bon. Dire que le message n'est pas vrai, ou qu'on donne des messages variés, que le message n'est pas le même, peut-être je ne dirai pas ça exactement. Seulement, c'est que lorsque notre population reçoit un message, il y a des gens qui négligent le message qu'ils ont reçu. Et je viens vous dire qu'il y a même des gens qui n'ont pas de radio, même s'ils ont des téléphones avec des radios. Il y a des gens qui ne suivent pas les informations, qui prennent tout le temps dans les cabarets ou ailleurs. Mais je viens vous dire que nous avons demandé à nos techniciens de terrain d'user de tous leurs moyens pour faire arriver le message jusqu'au dernier agriculteur à la colline. Comment est-ce qu'on procède? On leur demande, comme certains ne savent pas lire, comme certains ne suivent pas les informations à la radio, à la télévision, de préparer des messages et de les faire passer au niveau de la paroisse, au niveau des différentes confessions religieuses. Là, alors, le message est transmis très rapidement parce qu'on fait rassembler plus de 1000 personnes en même temps. Mm-hmm. Le message qui est transmis par le pasteur, qui est transmis par l'évêque ou bien par l'autre personne, on a remarqué que ce message est retenu rapidement. Voilà, on dit, voilà, le pasteur a dit, l'évêque a dit. On a remarqué que ce message est très respecté. L'imam dans la mosquée. Voilà, c'est ce que nous avons fait au niveau de la transmission de l'information pour le paiement des avances, pour la réception des engrais, avec le programme de subvention nationale de subvention des engrais. On fait passer le message au niveau des églises, au niveau des mosquées, au niveau des paroisses, pour que le message... Et là, nous avons marqué que le message est transmis rapidement. Alors, je voudrais vous dire que vraiment, le message qui est transmis, en général, c'est un vrai message. Il est le même, si vous voulez. Il y a seulement des gens qui négligent, qui disent, voilà, tout ce qu'on a dit, ça ne signifie rien. Moi, je vais faire ça. On a toujours cultivé comme ça. On savait qu'avec le mois de septembre, avec le mois d'octobre, il faut s'aimer. Qui ne veulent pas respecter. C'est la culture des beaux. Voilà, la culture des beaux. L'habitude est confortable. Ils ne veulent pas savoir que les choses ont changé. Vous l'avez même remarqué, si on dit à une personne, messieurs, madame, il faut cultiver comme ça. Ah, on va dire, non, messieurs, moi, je suis très âgé. Depuis que je suis né, on cultivait comme ça. Ça, c'est des choses que vous avez étudiées sur le banc de l'école. Vous êtes très jeune. Alors, je voulais vous dire que le message est correct. Il est le même. Seulement, il y a des gens qui négligent l'information. Et tant que vous avez le micro, monsieur le directeur général de l'agriculture, est-ce que les moniteurs agricoles qui devraient encadrer la population sur les collines, dans les zones, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils font leur travail, s'ils existent? D'abord, les moniteurs existent dans tout le pays. Ils sont au niveau des collines. Au niveau des collines, chaque colline a un moniteur. Je sais qu'on a toujours dit que les moniteurs ne travaillent pas, mais c'est certain. C'est certains moniteurs. C'est comme on le dit en Kirundi, mais il y a des moniteurs qui travaillent. Je vous ai dit que j'étais sur le terrain, c'était hier. J'ai visité un moniteur qui travaille correctement, qui a de bons champs, qui a un bon exemple, qui encadre bien les agricultures qui l'entourent. En résumé, alors, les moniteurs existent d'abord sur toutes les collines. C'est vrai, il y a ceux qui ne travaillent pas comme il faut, qui aiment si on les visite, on les rencontre dans les cabarets. Mais il y a d'autres vraiment qui travaillent, qui donnent l'information et attendent le vrai message. Parlons un peu de la situation en province de Kirundo. En quelques mots, des habitants préfèrent fuir suite à la famine qui fait parler d'elle dans cette région. Un problème, n'est-ce pas? Car même il y en a qui ne peuvent même pas planter pour la saison culturelle en cours, n'étant pas chez eux, monsieur Richard, n'est-ce pas? Oui, on l'a entendu, on l'a saisi au niveau des radios, mais aussi en cas, il y a aussi des témoignages qu'il y a des gens qui partent suite à la famine. Et récemment, même les hautes autorités étaient sur les lieux, je l'ai saisi au niveau des radios pour sensibiliser la population à ne pas fuir pour que aussi il y ait une contribution des autres provinces pour ces gens-là. Contribution pour leur donner à manger, pas pour leur donner à semer, je pense. Oui, parce que s'il y a un cas qui arrive comme ça, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des urgences. Oui, c'est un cas, c'est urgent, oui. Je pense que ce sont des urgences, parce que après les urgences, je pense que d'autres mesures seront prises par les décideurs. Alors, c'est un constat. Et parmi les gens qui partent et parmi les gens qui souffrent, il y a effectivement des producteurs. Je pense que cette province d'abord, c'est pas actuellement, c'est cyclique si vous voulez, au niveau de donc la famine, je dirais la famine, mais c'est pas la famine comme telle, parce que la famine c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses au niveau de cette province, parce que si le phénomène est là, il y a un ensemble de paramètres, je pense que les experts peuvent nous le dire mieux. C'est un constat qui est là, et ce qui est important, je pense qu'il faut peut-être prendre des mesures de mitigation pour les autres provinces, pour que le phénomène ne se duplique pas au niveau des autres provinces, et voir comment maîtriser. Vous parlez d'experts, et nous n'avons avec nous que professeur Ndayizeye. En tout cas, la province de Kirundo fait depuis un bon bout de temps une exception où la famine s'observe d'année en année. Est-ce que c'est une fatalité? Je pense qu'il faut regarder donc, la province. Depuis quand le phénomène, un tel phénomène de perturbation climatique, de variabilité climatique, il manque de pluie, alors qu'ils ont besoin de cette pluie pour leurs champs. Donc, on est au courant de cette situation depuis, mais quand on entend les interventions et les projets qui travaillent dans cette province, si on regarde les montants, les budgets qui ont été donc décaissés pour intervenir dans cette province, à un certain moment, on peut se poser la question, si on avait budgétisé et distribué cet argent à la population, il n'aurait pas fui, il aurait quelque chose à mettre sous la dent, parce que le budget est beaucoup par rapport aux résultats. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand on voit qu'il y a des budgets, il y a des projets, beaucoup de projets, je pense qu'on peut avoir le temps d'y revenir sur la répartition des interventions dans le pays, par exemple, dans la province de Kirundo et parmi les provinces qui ont beaucoup d'interventions. Mais au niveau des résultats, on voit que même les gens qui sont là, ils fuient la famine, alors que même dans les fuites, ils vendent même les repeints d'hôtel, les maisons, les tôles, comme quoi ils ne vont pas revenir. Donc, il est question d'évaluer les interventions. Est-ce que vraiment les interventions qui se font à Kirundo ont des résultats? Résultats qui n'empêchent même pas à quelqu'un qui fuit de ne pas vendre sa terre. Donc, je pense qu'il faut regarder dans l'ensemble, il y a beaucoup de paramètres. Et je dis même la situation géographique de Kirundo, ça peut même influencer. Il peut être sollicité pour des raisons autres que ce que nous sommes en train de dire. Et autre chose que je voulais mentionner, c'est que, par exemple, ailleurs, il y a certains pays qui ont su qu'il y a cette variabilité et qui ont mis en place un fonds, qu'on appelle un fonds de calamité, pour pouvoir venir en aide à des gens qui sont dans d'autres situations. Ici, chez nous, des fois, on fait appel à d'autres personnes, producteurs ou bien l'administration. Je pense que ce n'est pas aussi suffisant. Si on avait donc pensé à mettre un fonds de calamité, donc ça serait plus facile d'intervenir et de dire rester. Comme la saison a été perturbée, on va vous aider en ceci et puis vous allez cultiver la saison qui va suivre. Menya yurunyegei witekera mu mashurwe intamenya yurunyegei witekera mu mashurwe ibidukikije yeze atema ibidukikije yeze atema narabajije nabahinga mineru mujinya ndacuri ni Fatingingo yukuririmba Kugira nze mwira gahinga no Tuzitire tutaronerwa Tuzitire tutaronerwa Birakuraba nanje bikandaba Pour ceux qui pourraient nous avoir captés en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des changements climatiques observés en ces temps au Burundi et parallèlement de l'agriculture dans le pays. Trois invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Salvatore Sindayihebula, le directeur général de l'agriculture au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Richard Habyarimana, qui est le secrétaire exécutif AI au sein du Forum des organisations des producteurs agricoles au Burundi, Fopabu Ijwiyabarimyi, ainsi que professeur Tarsis Ndayizeye, enseignant d'université. Je m'en vais directement chez le directeur général de l'agriculture, monsieur Salvatore Sindayihebula. Si ce n'est pas un secret, et je ne pense pas ainsi, est-ce qu'on peut savoir le budget qui est alloué au secteur agricole au Burundi? Bon, disons pour cette année 2016. Les budgets alloués aux différents ministères, vous l'avez toujours entendu dans la loi budgétaire, ce n'est pas des secrets, on le dit à la radio. Chaque fois que le budget est voté, on dit voilà, à tel ministère on a eu autant pour cent, on a voté 1000 combien milliards, et chaque tel ministère a eu autant pour cent. Si on calcule, on peut voir directement ce que signifie ce montant. Et au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, comme je ne suis pas chargé de la planification, je n'ai pas directement ce montant sur moi, mais c'est un montant qui est proche de 30 milliards. 30 milliards, oui. Probablement, par rapport à autour de 1290 000 milliards. Oui. Donc le budget général de l'État. Bon, c'est le budget du gouvernement seulement, mais sinon il y a des budgets qui sont utilisés au niveau des différents projets et ça dépasse ça. Ça, c'est seulement le budget qui est voté au niveau du gouvernement. Ça varie entre 20 et 30 milliards. Je n'ai pas ce chiffre sur moi, mais ça, c'est autour de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Parce que il y a, si je ne me trompe pas, il y a le secrétaire AI de Fopabu qui a évoqué un chiffre de plus de 90% que la population burundaise vit à 90% ou plus de l'agriculture. Non, vraiment, ce budget n'est pas suffisant pour un secteur qui est la base de l'économie nationale. C'est un budget qui mérite d'être rehaussé et nous espérons que le gouvernement est conscient. Vous l'avez entendu, tout le monde est conscient que le secteur agricole est le moteur de l'économie nationale. Donc il pourrait aider, vous pourriez en tout cas plaider pour le budget 2017, c'est proche à être voté. Je ne peux même pas plaider parce que nos décideurs sont au courant. Le secteur agricole, c'est le moteur. C'est ils ont même pris le ministère de l'agriculture et de l'élevage comme le ministère pilote pour promouvoir l'économie nationale. Pour dire que je n'ai rien à plaider, c'est-à-dire que notre gouvernement, il est conscient que le secteur agricole, c'est un secteur qu'il faut appuyer énormément pour permettre à notre population de se nourrir, d'augmenter son revenu, pour que l'économie nationale puisse être rehaussée et pour que on observe un développement remarquable dans notre pays. Tout à l'heure, il y a professeur Tarsis Ndaizeye qui parlait du fonds de calamité qui devrait être créé par le gouvernement, donc le ministère, surtout le ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions. Est-ce que vous y pensez? Bon, c'est vrai, au niveau de notre ministère, quand on fait une planification budgétaire, quelquefois on prévoit un budget pour faire ce qu'on appelle des stocks stratégiques. Il y a même des hangars qui sont construits pour ça, pour que si on essaie de collecter ces récoltes, on puisse avoir où les conserver. Vraiment, on prévoit ça au niveau de la planification, des fonds pour mettre en place des stocks stratégiques. Mm-hmm. Ça, vraiment, on le fait. Il y a professeur Tarsis qui voudrait réagir un peu. En fait, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Mm-hmm. En fait, c'est vrai qu'avec la bonne foi du ministère, à lui seul, il ne peut pas vraiment venir au secours compte tenu de la fréquence, compte tenu de la population qui est victime de ces perturbations climatiques. Mmh. Je pense que ça doit être le fond du gouvernement où le gouvernement fait recours, fait appel à des partenaires techniques et financiers, même les producteurs. Comment on sensibilise les producteurs à venir en aide aux producteurs de Kirundo, par exemple, aux agriculteurs de Kirundo. Même les producteurs peuvent contribuer, même les fonctionnaires, même tout le monde peut contribuer pour que ce fonds soit là pour venir au secours des gens, parce qu'on voit que... Donc, s'entraider mutuellement. Oui, s'entraider mutuellement. Mm. Pour que ce fonds soit un fonds consistant, comme on l'a fait, par exemple, sur les subventions d'engrais. On a appelé les partenaires, les ambassades, les projets, le gouvernement met un fonds. Coopération, l'ambassade d'Hollande met en fond. Il y a beaucoup de partenaires qui interviennent, par exemple, dans les semences. Sur le fond de calamité, on peut chercher d'autres partenaires qui sont intéressés par ce fond qui vise à secourir le producteur qui se voit presque seul face au changement climatique. Sur cette question, je proposerais qu'il y ait un basket fund. C'est-à-dire un panier qui est là, chacun. Comme on voit dans les fêtes, dans les cérémonies. Chacun contribue mm-hmm. à hauteur de sa capacité. Mm-hmm. Sur la question du budget du ministère, mm-hmm. moi j'ai essayé de suivre le budget. Le budget a vraiment augmenté, mais on venait de loin. Il y a une déclaration de Maputo qui disait qu'il faut que chaque ministère, chaque gouvernement, mm-hmm. sur son budget, que 10% doit être dans l'agriculture. Au moins 10%. Donc, on a essayé de voir comment on venait de louer. Le gouvernement a essayé, mais on s'est rendu compte que le gouvernement nous montre, par exemple, on a un jour atteint 11%. Mais ces 11%, c'était l'argent des partenaires techniques et financiers et l'argent du gouvernement ensemble. Mmh. Avec la crise que nous avons traversée, les partenaires ont sensiblement diminué. Donc, je pense qu'on peut saisir cette occasion pour dire que le gouvernement peut voir comment rehausser le budget du gouvernement parce que les partenaires classiques ne donnent plus beaucoup les fonds qu'ils donnaient les années antérieures. Quel comportement, selon vous, devraient adopter les cultivateurs, les Burundais en général, espérer récolter autant qu'il faut? Ça, c'est pour la saison culturelle A, ça, c'est pour B. Quel comportement devrait-on adopter? Permettez-moi de dire d'abord le comportement du fameux Monagri que tu nous disais. D'abord, moniteur agricole. Mm. Il faut regarder le moniteur agricole, ses moyens, ses compétences pour pouvoir encadrer la population sur toute une colline. Quand on analyse comment il a été recruté, son niveau des formations qu'il a suivies serait capable d'être vraiment un paysan modèle. Des fois, on n'enseigne pas les actions. comment il peut aller transmettre un message alors que le paysage, il voit que chez lui, c'est la galère. Donc lui aussi devrait être encadré. Il devrait être d'abord sélectionné sur l'exemple. Donc il doit être l'exemple sur sa colline. Mm-hmm. Mais s'il est le dernier, est-ce qu'il a quelque chose à donner? D'abord, si par exemple on monte un peu au niveau des PAE, est-ce qu'au niveau des PAE, il y a combien de véhicules? Il y a quelqu'un qui est chargé de suivre l'évaluation. Il doit aller voir si le moniteur est en train de dupliquer, de transmettre le message. Mais il n'a pas de véhicule. Donc, je pense qu'il faut analyser dans l'ensemble pour pouvoir arriver au niveau producteur, dire quelle est l'attitude que le producteur doit adopter. Il doit d'abord écouter, ne pas résister aux conseils. Parce que le ministère est éclairé. Mais à ce niveau, j'ai déjà dit que le ministère doit être éclairé par des données scientifiques fiables, voir comment on peut accéder à ces informations et qui s'étalent sur une longue période. Donc, je pense qu'au niveau producteur, il faut qu'il écoute les services habilités. Il faut que les services habilités aient un message vérifié. Il faut qu'il y ait une transmission de message par la personne habilitée. Il faut que le producteur ait son courage d'écouter et d'accepter d'être guidé par les services habilités et par l'administration. Si on dit par exemple qu'il faut conserver la récolte parce que le futur est incertain, il faut respecter ça. Faisons un peu le tour de table, à commencer par Fopabou, dont Richard Abdalimana sur le secrétariat exécutif pour le moment, des appels à lancer aux uns et aux autres, aux producteurs, aux autorités et même aux associations qui œuvrent dans ce domaine de production agricole. D'abord, il faut qu'il y ait une stratégie de communication en matière des changements climatiques et adaptation qui a été élaborée par, si vous voulez, les deux ministères, le ministère de l'Agriculture dans ses attributions et le ministère de l'Environnement dans ses attributions, en appui de GIZ, le projet ACCESS, adaptation au changement climatique, pour la protection des ressources en eau et sol. Ils ont tracé quand même une stratégie de communication assez claire pour véhiculer l'information irrelative. Je pense que si cette stratégie est suffisamment exploitée, ça serait plus ou moins... Ça peut aider au niveau de la communication. De deux, l'IGEBU produit toujours des prévisions. C'est un service qui produit des données météo. Je pense que ces données devraient être vulgarisées en temps réel par le ministère. Parce que je sais que si les données sont là, l'IGEBU organise des séances de partage de ces informations, de ces données. Le ministère devrait continuer, renforcer, à véhiculer des informations effectivement en temps réel avant la période, en fait. Sachant que ce sont des prévisions, si on dit les prévisions sont des prévisions, c'est-à-dire que ça peut changer d'un moment à l'autre. Mais quand même, on peut y travailler. Parce que l'IGEBU actuellement dit qu'il produit des données vraiment fiables. Et ils nous ont déjà montré que c'est fiable. Mais si ce sont des prévisions, si ça change, ce n'est pas l'IGEBU, c'est un phénomène naturel qui est là. Deux, vous les médias, vous devrez aussi nous aider. Nous aider à véhiculer l'information autant que possible. Jusqu'au niveau de la base, parce que vous avez les capacités de véhiculer l'information. Cela étant, la population va alors savoir l'information, capter l'information avant la période pour prendre des précautions futures. C'est important, parce que comme on n'a pas encore au Burundi eu des catastrophes assez vigoureuses, peut-être qu'on est toujours, on reste ignorant à ces données, à ces informations. Mais quand même, il faut prévenir. Il faut prévenir et savoir que les changements climatiques actuellement, les variabilités surtout, est une réalité. Parce que sinon, on va pleurer alors que les scientifiques et les services étaient là pour nous orienter, nous donner les données sur lesquelles on peut travailler. Je termine sur un changement de mentalité, sur le secteur agricole. Et environnement aussi. Et environnement, parce que c'est lié. Oui. Actuellement, ce n'est pas comme il y a 100 ans au Burundi. Le secteur agricole a évolué, la terre a évolué. Parfois négativement avec les dégradations. Mais c'est à cause de l'homme. Bien sûr, c'est nous. C'est l'homme qui a fait tout ça. Même ces changements, oui, ces variabilités, il y a une part importante de l'homme. C'est l'homme qui a changé lui-même son environnement, son entourage. Je crois qu'il faut qu'on commence à prendre les choses en main. Cette terre que nous sommes en train de dégrader, l'effet de brousse qu'on est en train d'observer chaque saison sèche, au niveau des études des scientifiques, il nous montre que les changements climatiques sont causés à la tête liés à l'homme. Mais oui. Pourquoi l'homme se détruit lui-même? ce qu'on est conscient, ce qu'on est en train de faire. Avec ce changement, je crois que chaque personne au niveau de la base, nos producteurs agricoles, doivent savoir que la terre ne produit pas actuellement comme elle produisait avant. Au niveau des organisations, nous allons continuer à sensibiliser nos producteurs, nos décideurs, donner notre contribution comme on le fait toujours pour que quand même ça soit un travail collectif parce que c'est collectif, c'est l'économie burundaise qu'on est en train de promouvoir. Si tout un chacun s'y met, on y arrivera. Monsieur le directeur général Salvatore Sindayebura, quel serait l'appel que vous lancez aux producteurs agricoles? Quelles seraient aussi les promesses de la part du ministère? L'appel que je peux faire à nos agriculteurs, c'est de respecter les conseils des techniciens de terrain, de l'administration, issus des autres autorités. Je l'ai dit bien avant qu'il y a des gens qui négligent une information, qui disent « moi, ça, je néglige, je vais faire ce que je veux ». Ça, c'est vraiment très important. Le respect de l'information, le respect des conseils, ainsi des techniciens, des autres services habilités. Autre chose, c'est que au niveau de nos techniciens aussi de terrain, on leur demande aussi de renforcer l'encadrement. Par exemple, dire à nos agriculteurs, ça c'est la période à voir la situation climatique. Je veux dire, ça c'est la période de semis. Il faut pas, par exemple, semer deux ou trois ou par exemple, comme on dit en Kirundi. Être toujours près de des agriculteurs. Oui. Parce que nous avons des techniciens jusqu'à la colline. Pour dire qu'un moniteur pour une colline, vraiment, c'est facile de parcourir les différents ménages ou bien les rassembler et leur dire, voilà, on vous conseille, ça c'est la période de semis, ça c'est la période du cerclage, ça c'est la période de pulvériser les produits phyto, ça c'est la période de fertiliser, par exemple, vraiment renforcer l'encadrement. Et nos agriculteurs aussi, ils ont de nouvelles techniques culturales qui ont été fournies par l'Ominagri, par nos techniciens, par les appuis des différents projets et programmes. Et si on demande aux agriculteurs, voilà, faites une agriculture intelligente, il faut pailler pour qu'on garde de l'eau, pour réduire l'évapotranspiration. Il faut que nos agriculteurs vraiment mettent en pratique ces nouvelles techniques culturales. On leur demande, s'il vous plaît, il faut pratiquer le kitchen garden. Ça peut vous aider. Il faut chaque fois vraiment respecter tous ces conseils, mettre en pratique toutes ces nouvelles techniques culturelles. Ça peut permettre à nos agriculteurs de produire et de récolter au moment voulu et avoir des quantités suffisantes. Autre chose, c'est que l'administration, les différentes parties prenantes, il faut vraiment qu'il y ait un travail en synergie. Ce n'est pas vraiment le travail seulement du Minagri, des techniciens agricoles. Il faut vraiment un travail en synergie. Et parce que s'il y a un problème dans une province, qu'il faut intervenir pour appuyer les gens qui souffrent de la faim, ce n'est pas seulement le Minagri qui contribue. Tout le monde est interpellé pour faire une contribution. Mm-hmm. Même le petit agriculteur aussi. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment un travail en synergie pour que nos agriculteurs puissent récolter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ouais, monsieur le professeur Tassis? Ouais. En résumé, je pense que je vais commencer là où il termine. Il faut que le travail soit collégial, soit en synergie. Il faut que le ministère sache qu'il y a, par exemple, des organisations des producteurs qui sont déjà regroupées, qui aident dans l'encadrement des producteurs. Et là où, par exemple, les moniteurs agricoles n'arrivent pas, ces organisations aident dans la transmission de messages. Il faut qu'ils communiquent pour qu'ils sachent quel est le message qu'ils sont en train de transmettre. Et puis, vous avez vous-même dit que, par exemple, l'Église peut contribuer dans la transmission des messages. Il faut que l'Église aide dans la réussite de ces transitions d'habitudes culturelles d'anciens avec, par exemple, les nouvelles technologies appropriées pour faire face au changement climatique, à la variabilité climatique. Il faut que les institutions de recherche, l'IGEBU, fassent son effort pour nous donner les données sur une période assez longue pour prévenir dans les mois qui vont venir. Pour se préparer à l'avance. Parce que si, par exemple, l'agriculteur reçoit l'information d'autres domaines, ça ne sert pas beaucoup de choses pour l'agriculture. Mais pour la saison prochaine, ça peut donc permettre de se préparer pour cette saison. Les instituts de recherche, ce n'est pas uniquement IGEBU, même l'ISABU, dans les technologies qui sont qui sont expérimentées, il faut que les technologies qui vont dans le sens à s'adapter à ces changements climatiques soient les techniques ou les technologies qui sont ciblées sur les changements climatiques. Le producteur, il faut qu'il écoute, il faut qu'il soit toujours proche à ses techniciens, à ses services habilités pour capter le message, pour avoir le message qu'il faut. En temps réel. En temps réel. Mmh. Donc, pour vous, les journalistes, mmh, il faut que, par exemple, des émissions. Tout à l'heure, Richard disait que 90% de la population sont agricoles. Oui. Je ne sais pas ce que CNC vous demande, mais il faut que ce secteur ait une place de choix dans vos émissions pour pouvoir. Parce que c'est les radios, vous avez les moyens de pouvoir porter le message plus loin. Donc, il faut que ça soit une priorité. Que, par exemple, tout à l'heure, on disait que, par exemple, une émission sur les interventions qui se font. Mm-hmm. Je pense que c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de véhicules qui circulent alors que le paysan reste paysan, mm-hmm, même moins qu'il était avant. Donc, pour le PTF, je pense qu'il faut voir les interventions qu'ils font. Mmh. Pour voir que les frais ne sont pas uniquement 80% frais de fonctionnement dans les véhicules et salaires, que le producteur reçoit quelque chose qui peut le tirer du gouffre. Pour que le producteur en profite. Sinon, les gens qui ont monté le projet, c'est ceux gens qui profitent. Pour le gouvernement, il faut que le budget soit revu à la hausse et qu'il continue à servir d'exemple et à sensibiliser la population. Comme on voit qu'il y a cette bonne foi de le faire. Oui, merci un peu. Je termine sur une phrase. Je pense qu'il est aussi important actuellement de promouvoir l'agroécologie. L'agriculture est basée sur l'environnement. Mm-hmm. Je pense qu'il est important maintenant, d'autant plus que si on regarde l'ampleur de la question, l'agroécologie peut nous aider à récupérer ce qu'on peut encore récupérer. Merci beaucoup Richard, merci pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif AI du Forum des organisations des producteurs agricoles au Burundi, FOPABU Ijwi Gyabari. Merci beaucoup monsieur le directeur général de l'agriculture au sein du ministère de l'agriculture et de l'élevage, Salvatore Sindayebula. Merci de votre contribution. Merci beaucoup et nous promettons vraiment à nos agriculteurs qui nous écoutent que nous serons toujours tout près d'eux pour les sensibiliser davantage, pour les appuyer afin de s'adapter davantage au changement climatique. Et nous disons aussi merci au professeur Tarsis Ndayizeye. Je rappelle que vous êtes expert et enseignant d'université. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle que l'on était en train de parler des changements climatiques observés en ces temps et qui parallèlement perturbaient le secteur agricole au Burundi. La mise en onde était assurée par Eric Wimana et Variste Nzikobanyanga était à la réalisation et au micro vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.